Louis, me dit mon frère Pierre, l'eau est à 3 pieds de la fenêtre, il faudrait t'aviser. Je le fis taire en lui serrant le bras. Mais il n'était plus possible de cacher le péril. Dans nos étables, les bêtes se tuaient. Il y eut tout d'un coup des bêlements, des beuglements de troupeaux affolés, et les chevaux poussaient ces cris rauques qu'on entend de si loin lorsqu'ils sont en danger de mort. Mon Dieu, dit Aimé qui s'est mis debout, les poings aux tempes, secoué d'un grand frisson. Toutes s'étaient levées, et on ne put les empêcher de courir aux fenêtres. Elles y restèrent, droites, muettes, avec leurs cheveux soulevés par le vent de la peur. Le crépuscule était venu. Une quartier louche flottait au-dessus de la nappe limoneuse. Le ciel pâle avait l'air d'un drap blanc jeté sur la terre. Au loin, des fumées traînaient. Tout se brouillait. C'était une fin de jour épouvantée, s'éteignant dans une nuit de mort. Et pas un bruit humain, rien que le ronflement de cette mer élargie à l'infini, rien que les beuglements et les hennissements des bêtes. « mon Dieu !» répétaient à demi-voix les femmes, comme si elles avaient craint de parler tout haut. Un craquement terrible leur coupa la parole. Les bêtes furieuses venaient d'enfoncer les portes des étables. Elles passèrent dans les flots jaunes, roulées, emportées par le courant. Les moutons étaient charriés comme des feuilles mortes, en bandes, tournoyant au milieu des remous. Les vaches et les chevaux luttaient, marchaient, puis perdaient pied. Notre grand cheval gris, surtout, ne voulait pas mourir. Il se cabrait, tendait le cou, soufflait avec un bruit de forge. Mais les os acharnés le prirent à la croupe et nous le vîmes abattu, s'abandonner. Alors, nous poussâmes nos premiers cris. Cela nous vint à la gorge malgré nous. Nous avions besoin de crier. Les mains tendues vers toutes ces chères bêtes qui s'en allaient, nous nous lamentions, sans nous entendre les uns les autres, jetant au-dessus les pleurs et les sanglots que nous avions contenus jusque-là. Ah, c'était bien la ruine, les récoltes perdues, le bétail noyé, la fortune changée en quelques heures. Dieu n'était pas juste, nous n'y avions rien fait, il nous reprenait tout. Je montrais le poing à l'horizon. Je parlais de notre promenade de l'après-midi, de ces prairies, de ces blés, de ces vignes que nous avions trouvées si pleines de promesses. Tout cela mentait donc. Le bonheur mentait. Le soleil mentait quand il se couchait, si doux et si calme, au milieu de la grande sérénité du soir.